بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala l'explication de cet épître, ce livre très important, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, de l'auteur Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala. On est arrivé au chapitre, l'auteur qui dit Babu qawl Allahumma ghafir li in shi't. Chapitre concernant la parole « Ô Allah, pardonne-moi si tu veux ». Wafi sahih. Donc l'auteur qui nous dit est dans sahih. Ce qu'il y est voulu ici, barakallahu fikoum, sahih al-Bukhari et muslim. An Abi Hurayra radiallahu an, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal. La yakul ahadukum Allahumma ghfirli in shi't. Allahumma rhamni in shi't. ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. Et donc dans Sahihain, d'après Abi Huraira radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que aucun d'entre vous ne dise ô Allah, pardonne-moi si tu veux, ô Allah, fais-moi miséricorde si tu veux, mais qu'il soit ferme donc dans sa demande, car certes, Allah, personne ne peut le forcer. Hein, certaines personnes, lorsque elles pensent qu'elles vont dire « Oh Allah, donne-moi ça », elles pensent que c'est un mauvais comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala, et que c'est comme si lorsqu'on parle à un être humain et qu'on veut le forcer, « Donne-moi ça », etc. Non, non, pas du tout. Allah, personne ne peut le forcer. Il faut que tu sois ferme dans ta demande. Et dans une narration, la narration de l'imam Muslim, wal yu'azzim ar-raghba fa inna Allah la yata'azamuhu shay'un a'ta. Et que la personne, elle mette une grande importance dans sa demande et dans son désir, que tu montres que tu désires vraiment cette chose, car certes Allah tabaraka wa ta'ala, rien de ce qu'il donne n'est énorme pour lui. Rien de ce que Allah tabaraka wa ta'ala donne n'est énorme pour lui. Ça ne va pas être difficile pour lui de te donner ce que tu veux. Et donc insiste et demande à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ici dans ce chapitre, jazakumullahu khairan, on aborde le sujet de ad-du'a, l'invocation. L'invocation, on en a besoin. Toute notre vie, on en a besoin. On a besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons l'invoquer. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent me concernant, alors je suis proche. J'exauce à l'invocation de celui qui m'invoque. Allah tabaraka wa ta'ala dit aussi dans son livre, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je réponds à votre appel, je réponds à votre invocation. Et donc Allah nous a ordonné de l'invoquer. Nous devons insister, les textes du Coran et de la Sunna nous montrent que nous devons insister dans la demande. Nous devons beaucoup invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, l'invocation est tellement importante qu'il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Ad-du'a huwa al-ibada ». Donc l'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Et donc, ô chers frères et sœurs, prenons conscience de ce sujet que nous abordons ce soir. Et comme vous avez pu le constater, donc l'interdiction de lorsqu'on demande quelque chose à Allah, de dire « si tu veux ». Oh Allah, accorde-moi telle chose, si tu veux. Non, tu ne dois pas dire si tu veux, mais tu demandes fermement ce que tu demandes. Tayyib, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas dire si tu veux? Les savants, ils nous disent, parce qu'il y a en cela, le fait que tu montres que tu peux te passer de cela. Tu peux te passer du fait qu'Allah réponde à ton invocation. Comme lorsque tu viens voir Abdelkarim, tu lui dis, Oh Abdelkarim, est-ce que tu peux me passer ton téléphone si tu veux? Mais si tu ne me le passes pas, je vais me débrouiller, t'inquiète pas. Si tu ne me le passes pas, je vais me débrouiller, Abdelkarim. Et donc, lorsque la personne invoque Allah, tabaraka wa ta'ala, oh Allah, donne-moi telle chose, si tu veux, ça montre que cette personne, c'est comme si elle a une autosuffisance, ou elle ne désire pas vraiment cette chose, etc., etc., etc. Et donc, il est important, barakallahu fikum, que dans la demande, nous soyons fermes. Dans la demande, lorsque tu invoques Allah, tabaraka wa ta'ala, il faut que tu sois ferme. Il ne faut pas que tu montres que tu ne désires pas réellement cette chose. Tayyib, et d'ailleurs, il y a un hadith dans le Mousnad de l'imam Ahmed, d'après Abu Saïd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma min muslimin » يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il n'y a aucun musulman qui fait une invocation qui ne contienne ni péché ni rupture de lien de parenté sans que Allah tabaraka wa ta'ala lui donne une de trois choses par cette invocation. Une chose sur trois. Sur trois parmi cette, par la cause de cette invocation. Quelles sont les trois choses? Imma an tu'ajjala lahu da'watu. Soit son invocation, donc le fait que son invocation soit exaucée, soit cela se fait rapidement. Donc ici-bas. وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ Soit Allah tabaraka wa ta'ala, il va donc garder cela pour la personne dans l'au-delà. وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا Soit Allah tabaraka wa ta'ala va repousser un mal semblable à ce que la personne a demandé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça aux compagnons, et donc les compagnons ils ont compris que dans tous les cas, quand tu invoques, tu es gagnant. Dans tous les cas, quand tu invoques, tu es gagnant. Lorsque ton invocation ne contient pas de péché, les compagnons ils ont dit, « Izan nuksir ya Rasulallah !» Et donc on va beaucoup invoquer au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, « Allahu aksar !» Il a dit, Allahu Akthar, c'est-à-dire, peu importe le nombre d'invocations que vous faites, cela n'est pas difficile à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah est bien plus que cela. Tout le monde peut invoquer et cela n'est pas difficile à Allah tabaraka wa ta'ala. Rien ne lui est difficile. Et d'ailleurs, dans la narration qu'on a vue tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُهُ شَيْءٌ أَعْصَرُ Car certes Allah, il n'y a rien, il n'y a aucune chose de ce qu'il donne qui soit énorme pour lui. Et donc tout est facile pour Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla nous parle des incroyants, ceux qui ont rejeté la résurrection. Ceux qui ont rejeté la résurrection. Allah réplique à cela. Kalla wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Mais non par mon Seigneur. Qul bala wa rabbi. Dis non par mon Seigneur. Vous serez ressuscité, vous rejetez la résurrection, vous serez ressuscité, vous serez certes ressuscité. Puis on vous informera de tout ce que vous avez fait. Tout le monde sera ressuscité et tout le monde sera donc informé de ce qu'il a accompli. Et donc, qui dit informé de ce qu'il a accompli? Ce qui est voulu ici. Et donc, ils seront rétribués en fonction de ce qu'ils ont accompli. Chacun, chaque personne, depuis le début, depuis Adam, jusqu'à la fin des temps. Et donc, Et Allah tabaraka wa ta'ala, après cela, il nous dit, wa dhalika 'ala Allahi yasir. Et cela est facile pour Allah. Ressusciter tout le monde, juger tout le monde, c'est facile pour Allah. Et toi, tu penses que ton invocation... Mais non. Invoque, demande à Allah Azza wa Jal. Tout est facile pour Allah Azza wa Jal. Et donc, il est important qu'on ait une bonne opinion de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Tayyib, maintenant, moi, il y a une question que je me pose, barakallahu fikoum. C'est le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant la personne qui est malade, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été cité une invocation où il dit « La ba'sa tahurun insha'Allah ». Invocation du malade. « La ba'sa tahurun insha'Allah ». Il n'y a pas de mal, c'est une purification, inshallah. Toyib. Et donc, on vient de dire qu'il ne faut pas dire inshallah, inshit, dans l'invocation. Et ici, il y a inshit, inshallah. Et donc, il y a plusieurs réponses des savants à ce sujet. Et la réponse, wallahu alam, que j'ai trouvée la plus proche, c'est le fait de dire que ce n'est pas une invocation, mais c'est une information. La maladie que tu as, là, ben, ce n'est pas un mal, mais c'est une purification pour toi, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est une purification pour toi si tu patientes, si tu endures, et si tu es satisfait de ce que ton Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, a décrété te concernant. Et donc, c'est une purification pour toi. Inch'Allah Ta'ala. L'auteur qui nous dit après cela, Babun la yakulu abdi wa amati. Donc le chapitre, il ne dit pas, ou du moins n'am, il ne dit pas mon servant ou mon esclave, et donc que ce soit au masculin ou au féminin. Ensuite, il nous cite un hadith, il nous dit wa fi sahih. Donc toujours dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مساجد الله صلى الله عليه وسلم أدي لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. Le prophète صلى الله عليه وسلم qui dit que aucun d'entre vous ne dise nourris ton Seigneur. Fais les ablutions à ton Seigneur. Ce qui est voulu ici, barakallahu fikoum, le Seigneur, c'est le terme Seigneur qui est connu dans la langue française, l'ancien français, ce terme qui n'est plus trop utilisé aujourd'hui, pour les personnes qui ont un rang élevé. Ils vont te dire le Seigneur de telle contrée, ou le Seigneur du château, etc., etc. C'était beaucoup utilisé en Europe, ce terme-là, pour distinguer les rangs. Ceux qui avaient un haut rang, ils étaient appelés des seigneurs. Et donc, dans la langue arabe aussi, il y a ce terme. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit l'utilisation de ce terme. Le fait de dire, par exemple, si une personne est dans une situation d'esclavage, elle ne va pas dire, ou alors on ne va pas lui dire, « Nourris ton seigneur, tu vas donner à manger à ton seigneur. » Ou alors, va faire l'ablution à ton Seigneur. Ou alors, mais par contre, qu'elle dise « Seyyidi », c'est-à-dire, donc, mon... Donc, « Seyyid », ça va être le chef, etc. Mais, elle ne peut pas dire, donc, « Arab ». Voilà, Yakul, et qu'aucun d'entre vous ne dise « Abdi », mon esclave, ou « Amati », mon esclave au féminin, mais qu'ils disent « Fataya, c'est-à-dire mon enfant, ou celui dont je suis responsable. Et donc ici, barakallahu fikoum, dans ce hadith, on voit un point important, c'est quoi? C'est que nous devons faire attention aux mots que nous utilisons. Si les mots sont ambigus, c'est un mot qui peut être utilisé comme, ici dans la langue française, le mot « seigneur », on peut l'utiliser pour une personne d'un haut rang, et on peut l'utiliser pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, ce qui est mieux, ça va être de délaisser ce mot. Ici, dans le hadith, on a l'interdiction. Est-ce que effectivement, c'est formellement interdit de parler comme cela, ou est-ce que c'est détestable? Il y a divergence entre les gens de science sur ce sujet. Certains parmi les gens de science voient que c'est formellement interdit, parce que le prophète l'a interdit, tout simplement. Le prophète, il l'a clairement interdit, et le hadith est clair en montrant l'interdiction. D'autres savants voient que non, ce n'est pas formellement interdit, mais c'est détestable. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres hadiths qui montrent la permission. Comme par exemple, on a le hadith de Jibril, très connu, où à un moment, Jibril qui demande donc les signes de la fin des temps. Et parmi les signes de la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « En talidal amatu rabbatahe » Donc, et que la servante enfante sa maîtresse. Donc celle qui va la commander. Ou enfante son maître dans une narration rabbahe. Et donc elle enfante son maître. Ici, dans la langue française, on peut utiliser le terme son seigneur, rab. Et donc ici, là, dans ce hadith, on voit la permission. Et il y a d'autres hadiths encore. Et donc, barakallahu fikum, ce qu'on comprend, c'est que c'est détestable. Pourquoi? Parce que c'est ambigu, ça peut induire dans l'erreur. Ça peut induire dans l'erreur. Voilà pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, concernant le cours Kitab al-Tawhid. Et on continue demain, inshallah ta'ala.